accrochez. Le spectacle va bientôt commencer. Faites du bruit, allez. Ta gueule. C'est mieux. Tell you something more. I'm waiting, woman. Gotta know the score. I'm waiting, woman. I won't fool you no more. Oh, Le premier extrait de l'album de la semaine, l'album éponyme de Dirty Streak, un disque qui s'ouvre sur ce titre, Wait Till Saturday. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur le www.radio-webpassion.fr. Installez-vous bien confortablement, mettez-vous à l'aise. Votre hôte, le Jackal Show, eh bien c'est parti jusqu'à 20h. Alors ce soir, on va rendre un gros hommage à John Sykes, un guitariste britannique légendaire, connu pour son rôle clé dans plusieurs groupes de hard rock et de heavy metal. Il est né le 29 juillet 1959 à Reading, en Angleterre. Il a marqué ses 40 dernières années grâce à son jeu flamboyant et son style reconnaissable combinant des riffs percutants et des solos mélodiques. On a appris son décès la semaine dernière, voilà pourquoi nous allons revenir musicalement sur quelques faits marquants de sa carrière. John Sykes rejoint le groupe Tigers of Pantang en 1980 alors qu'il n'a que 21 ans. À cette époque, la formation de Whitley Bay, créée en 1978, est déjà connue sur la scène New Wave British Heavy Metal grâce à leur premier album Wildcat, paru en 1980. L'arrivée de Sykes en tant que second guitariste est un fait majeur dans l'histoire du groupe, apportant une nouvelle dimension technique et mélodique au son des Tigers, les positionnant ainsi parmi les groupes phares de la New Wave of British Heavy Metal. Son jeu de guitare et son charisme scénique captivent les fans et attirent l'attention des critiques. Cependant, malgré le succès de cette période, des tensions internes et des changements dans l'industrie musicale mènent au départ de Sykes en 1982. Alors bien que courte, cette période a posé les bases du style unique de John Sykes. Ses contributions sur les albums Spellbound et Crazy Nights sont souvent citées comme des moments forts de la New Wave of British Heavy Metal. Et son influence se fait encore sentir chez les guitaristes qui cherchent à allier technique et feeling. Sa période Tigers of Pantang est souvent citée comme le tremplin qui l'a propulsé vers des projets encore plus ambitieux. Yeah! Take me down. On se pose quelques minutes avec un deuxième extrait de l'album éponyme de Dirty Tricks, paru en 1975. Dans l'effervescence des années 70, ce disque s'impose comme un joyeux méconnu de la scène hard rock britannique. On en écoute une pièce maîtresse, Back of Ever, un morceau qui se distingue par son intensité dramatique et qui incarne à merveille l'esprit hard rock de l'époque. C'est puissant, viscéral et sans compromis. En 1982, John Sykes quitte les Tigers pour rejoindre les légendaires Thin Lizzy, cherchant de nouveaux défis artistiques. Son passage au sein des Tigers reste néanmoins l'une des périodes les plus respectées de leur carrière, une grande partie grâce à son talent de guitariste. Thin Lizzy, dirigé par Phil Lynott, était déjà un groupe emblématique du rock britannique. Cependant, au début des années 80, le groupe faisait face à des tensions internes, des départs et un déclin commercial. Phil Lynott, qui avait remarqué les performances de Sykes avec Tiger of Pantang, impressionné par sa virtuosité et son charisme, lui propose de rejoindre Thin Lizzy en remplacement de Snowy White. Son arrivée injecte une énergie nouvelle dans la formation. Il introduit des riffs plus lourds et des techniques de jeu inspirées par la New Wave of British Heavy Metal, et sa présence scénique flamboyante ajoute une nouvelle dimension aux performances live du groupe. Il participe à l'enregistrement de l'album Thunder and Lightning, le dernier album studio de Thin Lizzy, et prend part à la tournée d'adieu en 1983, où il brille, apportant une énergie renouvelée à des classiques comme Emeralds, The Boy Are Back in Town et Black Rose. Cette tournée est documentée dans l'album Life Live, où Sykes partage des solos mémorables avec Scott Gorham. Son jeu est particulièrement acclamé et son interaction avec Lynott sur scène est puissante, bien qu'éphémère. Même si Sykes n'a pas eu le temps de devenir un membre de longue date, son impact a été profond et son passage chez Thin Lizzy reste un moment clé de sa carrière. Suitcase, beautiful lovely roots. I felt a chill on my backbone as I hung up the telephone. Cold stone summer and cold stone sweat running down the back of my neck. Take a little money, nothing left to lose. I got the idea of it. Cold, cold sweat. They say he's gentle on the outside, a rugged bit is made. I've been so lucky on the inside, I feel I'm gonna win. Cold stone sober and cold stone sweat, running down the back of my neck. Take a little money, nothing left to lose. I got the idea of that. Cold, cold sweat. Fight the fight they believe to be right. Overthrow.

John Sykes rejoint Whitesnake en 1983 après la dissolution de Thin Lizzy. À cette époque, Whitesnake avait déjà une carrière établie en Europe, mais son son bluesy et sa production légèrement brute n'avaient pas encore conquis le marché américain. David Coverdale, cherchant à moderniser le son du groupe pour attirer un public plus large, recrute Sykes, impressionné par son jeu flamboyant et son sens de la mélodie. Bien que Sykes débarque alors que l'album Slide It In était déjà partiellement enregistré, il joue un rôle clé dans sa version américaine. Il réenregistre plusieurs parties de guitare, leur donnant un ton plus lourd et contemporain. Et ce fut un succès important aux États-Unis et un prélude à la domination mondiale à venir. Mais c'est avec l'album éponyme, connu sous le nom de 1987 en Europe et de Whitesnake aux États-Unis, que Sykes laisse une empreinte indélébile. En tant que co-compositeur de la plupart des morceaux, il est l'architecte principal du nouveau son de Whitesnake. Un mélange de riffs puissants, de mélodies accrocheuses et de solos virtuoses. L'album est un triomphe commercial, se vendant à des millions d'exemplaires à travers le monde et transformant Whitesnake en superstar international. Malgré ce succès, la relation entre Sykes et Coverdale s'effrite durant l'enregistrement de l'album. Les tensions montent au point où Sykes est congédié avant même la sortie du disque. En conséquence, il ne participe pas à la tournée promotionnelle ni aux clips musicaux de l'album, bien que sa guitare et ses compositions soient au cœur du projet. Love tonight. retribution. shaking and I can't take no more. Sneaking out your door. In the still of the night. Vous écoutez Hot Rod, le Jackal Show sur le www.radio-webpassion.fr. Ce soir, on rend hommage à John Sykes, guitariste qui nous a quitté la semaine dernière, et on va faire une petite pause avec un petit détour sur l'album de la semaine, le disque éponyme de Dirty Tricks, avec un troisième extrait, une ode, au rock'n'roll pur et sans compromis, une chanson où l'excès devient un art, un hymne à la débauche rock qui illustre bien pourquoi Dirty Tricks, malgré leur relative obscurité, mérite une place dans l'histoire du hard rock. Too much wine. We'll be right back. Après son départ de Whitesnake en 1987, hein, suite aux tensions avec David Coverdale, John Sykes cherche à fonder un groupe où il pourrait avoir un contrôle créatif total. Alors il forme Blue Murder avec Carmine Pice et Tony Franklin. Le premier album éponyme produit par Bob Rock sort en 1989. C'est une œuvre dense et ambitieuse où Sykes assume les rôles de guitariste, chanteur principal et compositeur. Malgré des critiques positives, l'album n'atteint pas les sommets commerciaux espérés, souffrant de la saturation du marché du hard rock à la fin des années 80. Après un hiatus et des changements de line-up, Blue Murder revient avec Nothing But Trouble en 1993, en pleine période où le grunge domine tout, rendant difficile la survie des groupes de hard rock des années 80. Mauvais timing. Même si Blue Murder n'a jamais atteint le succès commercial massif de Whitesnake, ce projet est considéré comme l'un des sommets créatifs de la carrière de John Sykes. Il montre son talent multidimensionnel en tant que compositeur, guitariste et chanteur. Après la dissolution progressive de Blue Murder au début des années 90, Sykes décide de se concentrer sur une carrière solo. Une période qui représente un chapitre fascinant et introspectif de sa carrière, où il s'émancipe complètement des contraintes des groupes précédents pour s'exprimer pleinement dans sa vision artistique. Son premier véritable album solo, sous son propre nom, Out of My Tree, en 1995, marque un tournant. Ce disque, bien que peu médiatisé à l'époque, montre un artiste en pleine maîtrise de son art, explorant des thématiques personnelles et des sons variés. Avec 20th Century, son troisième album solo paru en 1997, il affine son style et se tourne vers une production plus moderne, tout en restant fidèle à ses racines hard rock. Mais son album le plus audacieux reste encore Nuclear Cowboy, son quatrième opus studio, paru en 2000, dans lequel il mélange des sonorités métal avec des touches électroniques, tout en restant ancré dans son style signature. Même si ses albums solo n'ont pas rencontré un succès commercial équivalent à ceux de Whitesnake ou Thin Lizzy, ils ont consolidé son statut d'artiste culte. Sykes y montre une liberté artistique totale, s'adressant avant tout à ses fans dévoués et aux amateurs de guitare virtuose. Après Bad Boys Live, paru en 2004, Sykes réduit ses activités travaillant sur des projets sporadiques et restant discret sur la scène musicale. Thank you, Tokyo. Thanks for making us feel so welcome tonight. It's great to be back in Japan. I love you all. Thank you. Thank you. You sound so beautiful, you sound so good. Allez, on ouvre la deuxième partie du chapitre consacré à la période octobre-novembre 1977 du punk rock britannique avec un quatuor de Brighton formé en 1975 sous le nom de Tonge, puis rebaptisé en The Depression en 1976. Leur premier 45 tours Living on Dreams et Family Planning paraît chez Barnes Records, le label de Chas Chandler, le bassiste des Animals, en octobre 1977. Alors si Living on Dreams est un honnête titre pop sans grande originalité, Family Planning, quant à lui, envoie à la manière d'un mix d'Eddie on the Hot Roads et des Stranglers. Autre groupe à sortir son premier single, The Jolt, un trio écossais de Glasgow, avec un titre You're Cold, qui explore un thème universel, le rejet et l'indifférence émotionnelle. John Duncan, connu pour ses performances électriques avec Atomic Rooster, dévoile une facette singulière de son talent en solo avec le single Where's the Show, un condensé de rock énergique teinté de glam porté par une esthétique directe et sans compromis. Un combo de Nottingham formé en 1973 sous le nom de Brother Creepers, puis Gliders en 1974 et rebaptisé Plummet Airlines en 1976, sortent leur second single It's Hard après un premier single Silver Shirt pas franchement excitant, nous délivrant ainsi un titre qui se situe à la croisée des chemins entre le pop rock et les premières vibrations de la New Wave. On refermera ce dossier comme on l'avait ouvert, avec un quatuor de Brighton, Joe Cole and the Killers, avec leur premier single, I Just Don't Care, une véritable déclaration d'indifférence envers les normes sociales et les attentes conventionnelles, une thématique centrale dans le mouvement punk. 1, 2, 3, 4 Punk, c'est un mot anglais qui veut dire minable, moche. Oh, I'm so educated. Les punks se font remarquer par une tenue volontairement minable, provocante. Aime la musique et en particulier le rock and roll. 1, 2, 3, 4 Skinny.

to say a word. Oh, you got a lot of nerve. Hard to see in black and white. Well, we could be here all night. See rumors grow on trees. If that's the case, then these are last a million years. Don't listen to the other guys. They don't wanna see their baby dancing by my side. But it's hard. Yes, it's hard. Oh, it's hard. But it's hard. Too hard. Yeah, hard. But it's hard. Allez, j'en reviens à John Sykes. Il révèle en 2013 qu'il travaille sur un album solo pour lequel il signe en janvier 2019 un contrat d'enregistrement avec Golden Reboot Records avec l'intention de le sortir la même année. Mais en novembre 2019, il met fin à son partenariat avec la maison de disques, repoussant la sortie de son nouvel album au calendrier grec. Alors, aux dernières nouvelles, il publie le 1er janvier 2021 Dawning of a Brand New Day, sa première nouvelle chanson depuis plus de 20 ans, suivie de Out Alive en juillet de la même année. Et c'est avec ce titre que nous allons lui dire au revoir, puisque nous avons appris son décès la semaine dernière à l'âge de 65 ans, des suites d'un combat acharné contre le cancer. Son talent exceptionnel et sa présence charismatique ont laissé une empreinte indélébile dans le monde du rock. Lost his mind. Word out is going. Forget the words you heard this time, it's do or die. The time is here and now, release the hounds of hell. Bad apple broken down, revenge prepared to die. Tonight, we'll ride into the sun until we burn alive. With a thousand screaming demons close behind. And no one sleeps until this war is won tonight. This is life, but no one makes it out alive. Eh bien voilà, on y est, on est arrivé au bout de cet ultime épisode de la saison 5. Il me reste juste le temps de vous convier bien la semaine prochaine pour l'ouverture de la saison 6. Et je vous rappelle que vous pouvez réécouter tous les épisodes des saisons précédentes en podcast en suivant le lien qui est présent sur la page Facebook de l'émission. On se quitte bien entendu en musique avec un quatrième extrait de l'album de la semaine, l'album éponyme de Dirty Tricks, le titre Marcella, avec lequel on est sur le fil du rasoir, comme un funambule en équilibre entre l'explosivité et l'émotion, partagée entre la fascination et le danger. Salut. Marcella, with a laughing Fini ? Ouais, parfait. Alors lève ton cul. Retrouvez Hot Rods tous les mercredis soirs à partir de 18h sur Radio Web Passion.